Donc, c'est très important ici de noter la différence entre shirk al-akbar et shirk al-asghar. Shirk al-akbar, donner à Allah subhanahu wa ta'ala un égal dans une de ses caractéristiques propres à lui. Donc, cette définition englobe shirk al-akbar dans la seigneurie, dans la divinité et l'adoration, et dans les noms et les attributs. Donner à Allah un égal dans une de ses caractéristiques propres à lui. Allah, il est le seul qui mérite l'adoration. Donc celui qui voue une adoration à autre qu'Allah, il est tombé dans le shirk, dans la divinité. Allah est l'unique créateur, celui qui croit que Jésus a tout créé, comme le croient certaines sectes chrétiennes, notamment les témoins Jéhovah, il a mécru, car il a attribué une caractéristique propre à Allah à une de ses créatures. Ils disent Allah a créé Jésus, et après il lui a donné le pouvoir de tout créer, et c'est Jésus qui a tout créé. Allah n'a créé que Jésus. Wallah al-musta'an. Donc ça, c'est al-shirk al-akbar. Donner une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont propres à lui, à autre que lui. À autre que lui. Lui donner un égal dans ce qu'il mérite seul. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, les mécréants, quand ils ont décrit leur état dans Dunya, qu'est-ce qu'ils ont dit, comme dans ce verset? Ils ont dit, Tallahi in kunna la fi dalalim mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Ils se sont adressés à leur divinité, leur fausse divinité qu'ils adoraient dans Dunya. Ils ont juré par Allah, ils ont dit par Allah, nous étions vraiment en plein égarement lorsque nous vous mettions sur un pied d'égalité avec le Seigneur de l'univers. Donc ça, c'est shirk. C'est la définition de shirk exacte. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Nous vous mettions sur un pied d'égalité avec le Seigneur de l'univers. Que ce soit dans l'adoration, dans la seigneurie, dans les noms et les attributs. Et ça, c'est ash-shirk. Comme Allah dit également, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il est des hommes qui prennent en dehors d'Allah des idoles qu'ils considèrent comme les égaux d'Allah. Ils les aiment comme Allah doit être aimé. Yuhibbunahum kahubbillah. Ils les aiment comme Allah doit être aimé. Donc ils ont fait d'eux des égaux à Allah dans l'amour.